ces bitches, ça va rien c'est yag. J'passe, puis je regarde ces chiens qui avent. J'ai pas laissé passer ma chance quand c'était l'instant T. Je le saisis du plus fort car j'aurais pas dit chance. J'ai volé, j'ai dealé, je méfie, j'ai menti. J't'ai vu te faire tuer par les types que t'as vu grandir. Tout pour la pièce, tout pour l'oseille du rinté. Pour monter, je me suis planté. Maintes et maintes fois, un père qui pleure seul. Parce que fils, même pif à CR7. L'affaire c'est complexe, comme une mère qui prend le seul. En rêve de boîte séquentielle, prends toutes les étoiles au ciel. Et baiser les plus sensuels, nique sa grand-mère l'essentiel. J'ai commencé pour Liakov, j'ai continué ton Varitch. Si tout va bien quand tout va mal en même temps. J'ai une couille dans les scores, tout bascule en un instant. J'vois la traîtrise dans les regards, j'dis rien juste, j'deviens distant, hein. Après on l'a fait, alors le platine j'y croyais pas trop. J'voulais pas de patron, j'trouvais ça atroce. On doit les keufs et l'institut. Pas mon bac, j'ai cheaté. Je me suis fait lamer dans le ventre. J'étais censé être au lycée. J'ai pris des risques à reprise. Je me suis mort avec la crise. Les années d'adolescent, je m'en souviens déjà si peu. Laissez-moi serrer maman avant que le temps me la reprenne. Tant que dans sa vie, je suis le soleil qui éclaire ses yeux quand il pleut. Un creux d'angoisse, je vois le temps qui passe à une vitesse infernale. Je suis venu seul dans cette vie. Dis-moi combien tu m'aimes et si tout le monde a un prix. J'ai le feu en moi, c'est lui qui brûle de l'intérieur. Mais j'ai cassé mon cœur. Je suis seul dans cette vie. Dis-moi combien tu m'aimes ici, tout le monde a un prix. Un peu d'angoisse, je vois le temps qui passe. Si un seul jour j'abandonne. Dis-moi combien tu m'aimes ici, tout le monde a un prix. Je pourrais pas refaire le monde. J'ai le feu en moi, celui qui brûle de l'intérieur. Je pourrais pas changer mes ordres. Je suis seul dans cette vie. Dis-moi combien tu m'aimes ici, tout le monde a un prix. Aïe. Alors on pousse des fortes fiesta. On conduit mieux que l'autre fils d'up qui a déjà le mi-père. On tombe jusqu'à plus d'essence, enfant déjà civil. En rêve c'est bien, en claque c'est mieux. En vie fraîche plus que pressante, rien qu'on gère sur le bon Dieu. Le premier client, le premier mille E. Mon premier flingue rangé sous mon lit avec quatre munitions. Ma première salope, mon premier massage avec finition. On refuse jamais un tête, j'ai perdu des chicots. J'ai explosé mon nez, les arcades et plein de sang dans l'œil. Les potes me rappent à 18 ans, leur mémoire transpire ici. Leurs étoiles brillent dans les cieux, la famille encore en deuil. On apprend le vice sur le tas, après on se frotte au crime. On traîne en bas que le foutu ciel soit bleu ou gris. A priori j'ai réussi, a priori. Avant j'avais pas un usé près du chromé. Rien que j'ai erré, j'ai enterré pépé. J'ai enterré papi, j'ai enterré papa. Là je roule un féfé, j'ai comme un goût de pas acquis. J'aimerais tous leur parler. Des fois quand ça va pas, laissez-moi croquer la pomme. Avant que le puissant meure prenne, je puisse connaître son arôme. Lui seul décidera ma peine. Tant qu'aux yeux de mes proches, je suis pas méconnaissable. Je me fous que le reste puisse me voir comme un des enfants du diable. Laisse-moi tout seul vivre. Si un seul jour j'abandonne, je pourrais pas refaire le monde. Un peu d'angoisse, je vois le temps qui passe à une vitesse infernale. Je suis plus seul dans cette vie. Dis-moi combien tu m'aimes ici, tout le monde a un prix. J'ai le feu en moi, c'est lui qui brûle de l'intérieur. Mais j'ai cassé mon cœur. Je suis plus seul dans cette vie. Dis-moi combien tu m'aimes ici, tout le monde a un prix. Un peu d'angoisse, je vois le temps qui passe. Si un seul jour j'abandonne. Dis-moi combien tu m'aimes ici, tout le monde a un prix. Je pourrais pas refaire le monde. J'ai le feu en moi, celui qui brûle de l'intérieur. Je pourrais pas changer les hommes. Je suis seul dans cette vie. Dis-moi combien tu m'aimes ici, tout le monde a un prix.